Et Monique m'avait envoyé, deux perchistes parlent l'un à l'autre. Non. Ah non, deux perchistes parlent l'un dit à l'autre. Non, tu vas te faire engueuler parce que tu fais pas encore, tu fais encore pas la ponctuation. Et c'est moi ça. Je dis plus rien, qu'est-ce que je dis. Non, non, mais il m'a pas écouté, je recommence. Allez, mais à ce stade-là, faut plus dire, faut points. Taper. Là. Alors, une blague de Monique, on s'en fout. Monique, si tu nous écoutes. Oui. Deux perchistes parlent l'un dit à l'autre. De ma gueule, moi. C'est deux perchistes parlent. Deux perchistes parlent. Point. L'un dit à l'autre. Non, il n'y a pas de point. Sinon, eh ben, tu l'inventes. Tu sais quoi, Maurice? Non, il n'y a pas de point. Maurice, on va simplifier. Un perchiste dit à un autre perchiste. Ah, voilà. Voilà. Heureusement, qu'il est... voilà. Heureusement que tu es un professionnel du spectacle, Maurice. Oui. Hein, pour te mettre en scène. Ah oui. Je voulais pas faire cette émission moi au départ. On m'a forcé à venir. Un perchiste dit à l'autre perchiste. Alors, oui, laissez-le voilà. Faire. Alors, vas-y Maurice. Un perchiste dit à l'autre perchiste. Tu savais pas qu'il y avait du gaz de perchiste? Oui, ah oui. Bon, je recommence. Allez. Attention. Ouf, chut, concentration. Attends, vas-y, bois un coup. Allez hop, gargarisme. Vas-y Maurice. Un perchiste dit à l'autre perchiste, t'es sûr que tu peux sauter tout ça? Point. Attends, c'est pas la chute, attends. L'autre répond, ah. Je perchiste et je signe. Oh! Bravo Maurice. Ah non, elle est bien. Hein.